Bonjour à tous. Aujourd'hui, galette de pommes de terre, maquereau fumé, crème aigrelette aux herbes pour 4 personnes. 300 g de pommes de terre, 20 cl de lait, 2 cuillères à soupe de farine, 1 œuf plus 2 blancs, 10 cl de crème entière froide plus 5 cl, 100 g de beurre, 200 g de maquereau fumé, des herbes fraîches, persil, cerfeuil, un jus de citron, du sel et du poivre. Cuire les pommes de terre et en faire une purée, la dessécher sur le feu. Ajouter 5 cl de crème, plus le lait, les œufs, lait blanc, farine bien travaillée. Réserver à température ambiante. Préparation de la sauce aigrelette. Monter la crème en chantilly, plus sel, plus de jus de citron, herbes fraîches et réserver au frais. Dans une poêle, faire des petites crêpes de pommes de terre avec un morceau de maquereau dessus. Réservé sur du papier absorbant. Dressez les galettes sur assiette chaude avec une petite quenelle de sauce aigrelette. Un petit vin conseillé, un chignon rouge à boire avec modération.